Tom. Come on, Catella, let's go. Feeling less the second night time. In the night time. While I'm dreaming on love. In the night time. I'm feeling less the second night time. Thank you. Hey Marcelo, how are you, man? Come on.

Thank you. la fin, le puits à un moment et j'ai peur de demander un nom. Femme trop molle, tu sais, comme il disait Pierre. Et pourtant, je regarde pas derrière, tu sais. Tout ce sang que j'ai. Rien d'autre que. Je ne ferai rien d'autre que me rendre un peu plus amer. Plus amer. Plus amer. Thank you. Thank you. Thank you. utilisateur. T'as la guitare qui envoie des trucs funky. C'est trop ce qu'il faut faire, oui. C'est trop ce qu'il fait, ce qu'il fait kiffer. Et là, je vais vous pratiquer de la vaseline. Un tour à presser. J'ai pas de pied. T'es pour ça quoi? On m'entend pas chanter si je veux jouer. La basse et ça me fait bien chier. Ça me fait bien galérer. J'ai envie de tout casser. De tout casser. Heureusement qu'il y a un bassiste qui est là, ouais. Pour rattraper. Et quand je peux pas jouer, mais j'aimerais avoir la tête levée. J'aimerais avoir le bras un peu reposé. J'ai gardé mais depuis que je bois plus d'eau que la quitte de merde. them made a mistake. They mistook their role. They mistook, mistook their photo word. America got the greatest talent. You're not in America got the greatest talent. No. They mistook. C'est moi qui les ai...